بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui éparpillent tout, par les nuages chargés d'eau, par les vaisseaux qui glissent avec aisance, par les anges qui distribuent les bienfaits de Dieu sur son ordre. Les promesses qu'on vous fait sont véridiques. La rétribution va certainement advenir. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Par le ciel aux voies minutieusement tracées, vous êtes certes en un propos divergent et détourné du vrai qui a été déjà détourné. Périssent les forgeurs de conjectures, qui, abîmés dans leur ignorance, demeurent indifférents à leur sort. Ils demandent : quand arrivera le jour de la rétribution ? Le jour où ils seront éprouvés dans le feu. Goûtez votre épreuve, voici ce dont vous vouliez hâter la venue. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Les pieux seront dans des jardins et des sources, recevant les dons de leur Seigneur. Auparavant, ils étaient bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon de Dieu, de leurs biens. Le mendiant et le déshérité recevaient la part qui leur revenait de droit. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude. Il y en a aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? C'est du ciel que provient votre subsistance, tout comme ce qui vous a été promis. Et par le Seigneur des cieux et de la terre, il s'agit là de la vérité, aussi vraie que le fait que vous parliez. فراغ إلى أهله فجاء عجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. L'histoire des honorables visiteurs d'Abraham t'est-elle parvenue? Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, il leur répondit, paix, et se dit en lui-même, ces gens me sont inconnus. Puis, il alla discrètement trouver sa femme et revint avec un veau gras. Il le disposa devant eux et, ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, ne crains rien, et ils lui annoncèrent la naissance d'un fils plein de sagesse. Sa femme s'avança en gémissant et en se frappant le visage. Elle dit, « Quoi? Une vieille femme stérile comme moi ?» Ils dirent, « Ainsi en a décidé ton Seigneur. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Abraham dit, quelle est votre mission, ô envoyé? Ils répondirent, nous sommes envoyés à un peuple de criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous fîmes alors sortir les croyants de la cité, mais en réalité, il ne s'y trouvait qu'un seul foyer composé de soumis. Et nous fîmes de cette cité détruite un signe pour ceux qui redoutent un douloureux châtiment. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Il y a de même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes voir Pharaon, nanti d'une preuve évidente. Mais, confiant en sa puissance, celui-ci se détourna et dit « C'est un magicien ou un possédé ». Nous les saisîmes, lui et ses troupes, et les jetâmes dans la mer, tandis qu'il avait perpétré des actes blâmables. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Il y a également un signe dans les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur. Il n'épargnait rien sur son passage, réduisant tout en poussière. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Il y a encore un signe dans les Thamoud quand il leur fut dit « Amusez-vous pour un temps ». Ils se rebellèrent contre le décret de leur Seigneur, alors la foudre les saisit tandis qu'ils regardaient. Et ils ne purent s'en relever, et ils ne furent pas vainqueurs. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et le peuple de Noé, auparavant, c'était certes des pervers. Le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance, et c'est nous qui l'étendons constamment. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. De toutes choses, nous avons créé un couple, peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Dieu, je viens de sa part vous avertir clairement. N'associez aucune divinité à Dieu. Je viens de sa part vous avertir clairement. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Nul autre peuple avant eux n'a reçu un messager sans dire de lui « C'est un magicien » ou « un possédé ». Se seraient-ils transmis ce mot les uns aux autres ? Non, mais ce sont tous des transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. Et rappelle-leur, car le rappel profite aux croyants. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche d'eux aucune subsistance et je ne demande pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Les injustes auront une pleine mesure de supplice, comme il le fut antérieurement pour leurs pareils, qu'ils ne me pressent donc pas de hâter leur châtiment. Malheur à ceux qui ne croient pas à cause de ce jour qu'on leur a promis.